consulter la programmation des spectacles à venir sur lepaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Et comme à chaque semaine, on a toujours plein de bonne musique à vous proposer, avec évidemment son lot de nouveautés. Et parlant de nouveautés, ben ce soir, on a une nouveauté qui nous provient de France. Il s'agit de Lalu ou Lalou, le projet du claviériste français Vivien Lalou. Ou Lalu, un groupe qui a été mis sur pied au début des années 2000. Un premier album est paru en 2005 sous le titre de Oniric Metal. En 2013, le groupe présente Atomic Arc et 9 ans plus tard, Paint the Sky. Et ça, je fais un petit arrêt parce que c'est un disque qui marque un virage un peu plus progressif pour Lalu. Et on retrouve sur ce disque, outre le chanteur Damian Wilson, des invités comme Steve Walsh de Kansas, Jordan Rudess de Dream Theater, ou le réputé batteur Simon Phillips. Et puis, ben là, on arrive à ce qui nous concerne ce soir, une nouveauté de 2023, The Fish Wanted to be King. Et je vous parlais tantôt de Damian Wilson. Eh bien, Damian Wilson se retrouve aussi sur cet album. Damian Wilson qui a commencé sa carrière avec Landmark dans les années 90, 3 albums avec le groupe, dont The Vision Pit en 95. Il a aussi chanté avec Threshold, Headspace, Clive Nolan, sur certains projets de Clive Nolan. Il a aussi réalisé 5 disques solo, dont Built for Fighting en 2016. Et puis, et surtout, pour plusieurs, bien, il a contribué à pas moins de 10 albums de Arjen Lucassen, des albums de Arion ou de Star One, dont notamment de Into the Electric Castle. Et donc, ben, comme je vous le disais, on retrouve Damian Wilson sur ce nouvel album qui, ma foi, ben, est probablement ce que le groupe a proposé de plus progressif à ce jour. Juste pour vous situer, Vivien Lalou, et il a composé plusieurs musiques pour des émissions de télévision, pour des pièces de théâtre. Il est aussi membre d'un groupe qui a pour nom AZ, A-Z, et il est aussi producteur et compositeur, évidemment. Il a contribué à de nombreux albums, dont le Tribal Domestic de Il Rovecchio della Medaglia ou le Digital Ghost de Shadow Gallery. Et puis Marc, pour faire suite, on demeure en Europe. Oui, il s'agit de la formation Il Cerchio d'Oro, qui a été fondée en 1974. Le groupe avait fait plusieurs compositions, mais n'avait jamais en disqué dans les années 70. Ils se sont séparés en 80 et se sont reformés 25 ans plus tard, donc en 2005, où leur premier album est paru sous le titre La Quadratura del Cerchio. Paraissait ensuite en 2008 l'excellent album Il Viaggio di Colombo. Ensuite, en 2013, leur 3e album s'intitulait Dédalo et Icaro. Ils sont revenus 4 ans plus tard avec l'album Il Fuoco Sotto la Cenere et leur plus récent, qui a pour titre Pangea e le Tre Lune, est paru au mois de mai cette année. Alors pour vous ce soir, on aura une nouvelle pièce de cet album. Le chant est en italien. Et pour le style musical, on a ici un mélange de hard rock et de rock progressif. Il y a beaucoup de claviers et plusieurs clins d'œil à Deep Purple. Alors, si vous aimez le style rock progressif des années 70 avec un rock très dynamique et un chant très dynamique, on vous le recommande fortement. Donc, l'excellente formation Il Cerchio d'Oro. Mais comme vous le disait Michel, on débute ce soir avec la formation française Lalu. Thank you. as relevant today. As of 1916, Dada is the bomb. It's been changing lives up to this day. Comes arisen from a violent stage. All the names we write define the ones. Give them fresh sunlight. Was Jamonia's son? In your wonder mind, it's wonderful. In your wonder mind, I'm sure it becomes the favored way. Childish stunts and phallic play. So what you want us to look out? Breathing lava. Thank you. Prima fu una palla di fuoco, qualche dio forse per gioco, per la rabbia o solo per noia la lanciò nell'eternità. Spazio ed il tempo, quella fiamma si è spenta già, ed il fuoco terra si fa lentamente. Molti anni fa. Destino che formò come nasce un bambino questa terra che unita vibra e Pangea si chiamerà.

Et on poursuit Terra Incognita avec cette fois-ci une nouveauté qui nous vient de Grèce. Il s'agit du nouvel album du groupe Residuos Mentales. L'album a pour titre « Temporary State of Bliss ». On vous a présenté une pièce la semaine dernière et difficile de résister à la tentation d'en présenter un second extrait et ce sera la pièce « Impending Catastrophe ». Residuos Mentales, mais c'est en fait c'est un duo qui réunit le claviériste Stratos Morianos et le guitariste et flûtiste Alexandros Mantas. Le tandem a déjà présenté un premier album qui a pour titre Introspection, et c'est en fait un disque constitué d'une seule pièce de 38 minutes divisée en 11 parties. On devrait vous en présenter des extraits dans les semaines à venir. Et puis Marc, pour faire suite à ce tandem grec, on aura, je pense, un musicien des États-Unis. Oui, en effet, il s'agit ici du multi-instrumentiste-compositeur américain Dave Kersner, qui vient de faire paraître son sixième album en carrière. On sait que Dave Kersner fait aussi partie de la formation Sound of Contact, qu'il a formée avec Simon Collins. Alors, on aura ici de son nouvel album, qui s'intitule Heartland Minds Volume 1, deux extraits pour vous ce soir, avec les pièces True Story Part 1 et Worlds Apart. Et ce sera suivi d'un nouvel extrait du nouvel album de la formation du Royaume-Uni Osric Tentacles. Le titre de l'album, c'est Lotus Unfolding, et on aura pour vous ce soir la pièce Storm in a Teacup. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute le bloc musical avec une pièce de la formation grecque Residuos Mentales. Thank you. Trip back to 1995, relive those feelings, and I made it out alive. Wrote an album no one's ever heard, based upon the truth in every word. Met a girl who asked me to move in, put my possessions in a storage bin. Thought it was love, but it turned to something else. So I left LA to drive and find myself. Away from what went wrong. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL 89.1. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du rock progressif avec le retour d'Emerson, Lake & Palmer. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Carl Palmer renoue avec ses anciens comparses par l'entremise de la technologie. Entouré d'écrans géants et de ses musiciens, le batteur replonge dans le riche univers du groupe afin d'interpréter les grands classiques de Knife Edge à Carnival Night. Le 9 novembre, c'est le retour d'Emerson, Lake & Palmer au Palais Montcalm. Salut, ici Denis Lelièvre, animateur bénévole à CKRL depuis 1973. Salut, je suis Jessica Leb, animatrice journaliste depuis 2013 à CKRL. Ensemble, nous retraçons l'histoire de CKRL à travers les témoignages de ceux qui l'ont bâti en 5 décennies. Entre anecdotes et souvenirs, nous célébrerons 50 ans de radiophonie communautaire. 50 ans de CKRL, c'est chaque mardi, 15h30. Présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Ministre responsable de la Capitale Nationale, Jonathan Julien. Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée Nationale. Député de Taschereau, Étienne Grandmont. Député fédéral, Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation américaine Moon Letters, tirée de leur plus récent album, leur second, Thank You from the Future, paru en 2022. On aura également la formation québécoise Crossroad Copeland, avec un extrait de leur album Copeland. C'est leur premier album, paru en février de cette année, et qui est un projet de Ben Copeland Gilbert à la guitare. Il y a dans le groupe également Carl Mayotte, l'excellent bassiste de Québec, et plusieurs autres musiciens à la trompette, trombone, saxophone et voix. Donc, on aura pour vous la pièce Steer Crazy. On aura également un nouvel extrait du nouvel album de Pacha et Porsti, donc Raphaël Pacha, Kimo Porsti, leur plus récent album Sea of Mirrors. On aura ici la pièce Fascination. Et pour débuter le bloc musical, Michel, un excellent artiste italien qui a fait paraître son nouvel album en tout début de cette année. Oui, il s'agit de Luca Scherani, claviériste, arrangeur, compositeur italien qui fait partie des groupes Hot Sonaton et aussi la Coscienza di Zeno. Et il nous présentait en janvier dernier, à la fin janvier, un troisième album solo sous le titre de Everything's Changing, un disque qu'il a enregistré sur une très longue période. Je pense qu'il était vraiment soulagé quand il a réussi à boucler les sessions d'enregistrement. Et on y retrouve de très nombreux invités, comme le batteur Paolo Tixi, le saxophoniste Martin Grace, qu'on a eu le plaisir de voir à l'œuvre en mai dernier avec la Maschera di Cera. On y retrouve aussi Joan Roa à la flûte, qui fait partie de Hot Sonaton, Fabio Zuventi, son grand ami, Et évidemment, à la basse, Matteo Neum, guitariste de notamment d'Hudson Hatton, et plusieurs autres encore. Un disque vraiment complexe et superbement bien arrangé. Et je vous disais tantôt que Luca est claviériste, mais pour cet album, il a aussi joué guitare, basse, percussion et bouzouki, et même la flûte. Donc, on peut dire que c'est un multi-instrumentiste. De ce troisième album solo, on aura la pièce « Un viaggio verso un sogno ». can't they say what's blame to me? From the glass stirs back at me. Am I that little man? They all see everything that they can understand me. Seals inside my heart. I am justified. I am a gift to men. See my light shine. Chosen one as best in my change is did the vibe of fate guide me ahead, rearrange the world to make a better land.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. La boulangerie artisanale La Boîte à pain est ravie de vous offrir ses croutons rabais. Cherchez l'autocollant rouge amusant vous indiquant de nombreuses réductions disponibles. Retrouvez nos croutons rabais en succursale et dans l'Antidote dès maintenant. N'oubliez pas de profiter de ces offres avantageuses en cette période d'inflation. Il y a toujours un crouton rabais à se mettre sous la dent. Boîte à pain.com. Hier, c'était votre initiation de cégep. T'as tout fait. Tu t'es fait dessiner un cross-toton au crayon permanent, te sucer une cerise au marasquin puis de la crème fouettée dans un condom, puis te licher du cheese whiz sur un saran wrap étendu sur la face de quelqu'un. Mais même si tu fringes de la pellicule plastique à pleine langue, tu puncheras jamais autant que les gars d'impro. Premier acte et l'Apex Théâtre présente « Je te pète en mixte », une création de l'Apex Théâtre présentée à premier acte du 31 octobre au 18 novembre. Pour information ou l'achat de billets, visitez premieracte.ca. Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire et Hydro-Québec. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. C'est l'émission Terra Incognita qui se poursuit. Et dans le prochain bloc musical, on aura une formation américaine qui a pour nom de Psychedelic Ensemble. Et c'est une formation qui a été fondée dans l'État de New York en 2009 et qui est l'œuvre d'un multi-instrumentiste non déclaré. Donc, on n'a pas le nom de ce musicien, mais on sait qu'il est actif dans l'industrie de la musique depuis plus d'une trentaine d'années. Sous le nom de Psychedelic Ensemble est paru 6 albums jusqu'à maintenant. On aura ce soir pour vous un extrait de l'album The Tale of the Golden King, paru en 2013. La formation a fait paraître en 2015 The Sunstone et en 2019 Mother's Rhymes. Donc, de cet album de 2013, on aura la pièce d'ouverture et la pièce qui suit, donc un extrait de deux pièces de cet album. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de l'Italie avec une formation célèbre du rock progressif italien. Oui, c'est un des piliers du prog italien des années 70, un des membres du Triumvirat, c'est-à-dire l'Iorme PFM et Banco del Mutuo Soccorso. Ce soir, on va vous présenter un extrait de l'album Transsiberiana, paru en 2019. Pour le groupe, ça mettait fin à un silence de 25 ans sur disque. Et oui, le précédent album, Il Tredici, était paru en 1994. On a choisi ce soir la pièce Stelle sulla Terra, que l'on écoute à l'instant. Thank you. corrono senza freni. Volano laggiù insieme. Sotto un cielo immobile, è certo. Siamo noi, credimi, il vento. Vedi quei cavalli, vedi quanti sono, zoccoli e criniere corrono sulle bande. Volano sull'erba, polvere nel cielo, corrono col vento liberi davvero. Guarda quanti sono zoccoli e criniere. Stelle sulla terra. Guarda quanti sono zoccoli e criniere. Stelle sulla terra. Mentre viene sera. Stelle sulla terra. Mentre viene sera. Dove, dove, dove? and to all who wish to hear the tale of our great kingdom and our king. Here beneath the soaring mountain, inside these castle walls, a place enchanted. Appear in a light. Death is at hand for the king. of the seer is true. We, the gods, will take your soul tonight. In a light so clear and bright, so clear and bright. Fear not, people, this is not his end. It's not his end. In your time of need, the king will rise again. Will rise again. In your virtues, we the gods extol. And so transform you to l'émission ce soir, on a choisi Matt Crayon et un extrait de son troisième album, c'est-à-dire Preda, et ce sera la pièce Preda Part 2. Matt Crayon, c'est la formation de Alessandro Di Benedetti, le claviériste qui collabore à presque tous les projets de Samurai of Prague. C'était Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Terra Incognita nous vous revient la semaine prochaine, même heure, même poste. Je vous invite à vous inscrire à la page Facebook de Terra Incognita. Restez à l'écoute, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Yeah.